J'enterre les armées, mes trésors de guerre. Je suis cavalier solitaire. Ah, j'oubliais de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le gris du ciel. Souvenir de campagne et de victoire en Espagne. C'est l'esquisse d'un voleur. Fausse route, j'en ai peur. Et je marche à petits pas, comme un danseur de Java. Et je marche à petits pas, je suis un danseur de Java. Le plaisir à découvrir le mensonge des autres soit vite en passant. Donne le tournis et ma tête gronde. Tiens, mon nostalgie, je retombe. Ah, j'oubliais de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le bleu du ciel. Souvenir de campagne et de victoire en Espagne. C'est l'esquisse d'un voleur. Fausse route, j'en ai peur. Et je marche à petits pas, comme un danseur de Java. Et je marche à petits pas, je suis un danseur de Java. Un danseur de Java.